chambre. Bonjour, voulez-vous savoir comment j'ai gagné $5,000? D'accord, je vais expliquer. Mon baba a gagné le loto et elle donne moi $5,000 de le $5 million. Donc je fais une rénovation de ma chambre. Je veux la présenter à toi. Tu vas voir où coller à vivre, les lits et des oreillers confortables et plus de choses. Je vais commencer avec ma lampe. C'est très simple, mais j'aime ça. C'est blanc, donc ma lampe correspond à mon mur. Ma lampe est pour quand je veux lire un livre à nuit. Prochaine est mon tapis. Mon tapis est comme l'herbe parce que c'est vert. Vert est ma couleur préférée. Il est très douce et j'aime ça. Voici ma chaise. C'est une chose bizarre de parler au sujet, mais je pense qu'il est génial. Il a 5 roulettes et il peut tourner. C'est très amusant. Je mets un oreiller sur ça parce qu'il est confortable quand je fais ça. Prochaine, ma table de nuit. C'est très pratique parce que quand je dois mettre quelque chose quelque part, je juste mets sur la table de nuit. Il est fait de bois et je mets ma lampe sur la table. Regarde, mon oreiller. C'est le plus douce dans la terre. Il est fait d'éponge et gel, donc mon oreiller est douce tout le temps. Est-ce que vous pouvez voir ce bureau? C'est pour moi. Il a des cabinets pour mes papiers, c'est très pratique. Ma chaise s'adapte bien avec ça et il fait de métal, donc il est très robuste. Enfin, ma porte. C'est très simple aussi, parce qu'il est juste une couleur. La couleur est rouge vif. Je pense que ma porte est juste géniale pour quelques raisons. Merci pour regarder ma chambre. J'aime ma chambre et toutes les choses dans ça. Et merci à mon baba parce qu'elle donnait moi $5 pour faire la rénovation de ma chambre. Merci, au revoir.